tiré des sales affaires depuis un bout de temps, frère. Je me dis que ça le fait qu'en fait j'ai rien de mieux à faire. Ma vie rythmée pour le sport, l'éducation de mon gosse et la prière. Je gagne mon beurre à l'usine, heures supplémentaires. Alterne les postes 6-14, 14-22, 22h-6h. Nombreux sont ceux qui se disent la vie c'est si dur. Ça me sidère, mais au fond je m'en bats les burnes. J'ai la mort à la peau comme Jason Bourne. Car peu importe l'itinéraire, à l'arrivée on meurt tous. On a beau être rebelles sur disque, on reste des moutons dociles, des êtres fragiles, bousculés dès la première épreuve difficile, à jeter sur des proies faciles. Entre ceux qui boivent et ceux qui dealent, pensez à la belle idylle, à baiser des flics en civil, ambiance vandale. Mais l'eau a coulé sous les ponts de Montpel, tous les caves des clans de l'époque aujourd'hui se retrouvent seuls. On pense à nos gueules, à nos vies, à nos gosses, à nos plaintes, à tous ces taffes de merde où jour après jour on s'éreint. Sens-tu les trains se resserrer lentement autour de ton cou, témoignage d'une génération baisée qui s'est fait casser le cul. La peau comme Jason Bourne, je fais de mon mieux pour bien faire malgré ce qu'on t'arbourg. Des remords, des emmerdes à chaque jour suffisent à peine, sois-en sûr. Les conseils des anciens à l'époque, je m'en battais les couilles. La mort dans la peau comme Jason Bourne, je fais de mon mieux pour bien faire malgré ce qu'on t'arbourg. Des remords, des emmerdes à chaque jour suffisent à peine, sois-en sûr. Aujourd'hui je fais ce qu'il faut pour rester sur la bonne route. J'ai cru bien faire trop souvent, dans le faux, et me dire parfois ce coup-ci c'est la fin. J'ai peur du jugement, ça sent le feu, tu sais de quoi je parle, frangin. Y'a pas d'adrénaline sans danger, pas de position sans témoin. Pas de bénéf sans risque, tellement de pièges sur ce chemin. Déconnecté du réel, pire qu'un autiste, tu sais bien. Sous les effets du shit et tous ces trucs illicites qui nous remplissent les poches, qui nous vident la tronche. À quoi bon faire des reproches aux autres quand on se met tout seul en sens? Quand on se met tout seul en sens. Y'avait ce qui fume et ce qui tease, ce qui bosse et ce qui trafique, ce qui brasse et ce qui pise, ce qui drague et ce qui nique, ceux qui ne connaissent pas la crise, ceux qui ont le Cayenne ou la ZX, ceux qui triment pour leur fils, qui tournent à la poudre ou au fixe et fils. Au creux de nos mains, y'a de la sueur et du bitume, de la galère, des trucs malsains, beaucoup d'alcool et du chillum pour être des hommes. Il a fallu se remettre dans le droit chemin, effacer les disques durs qui auraient pu noircir nos destins. Je te fais pas de dessin, désormais tout ça appartient au passé. À présent on peut apercevoir le futur mais sans trop y penser. La mort dans la peau comme Jason Bourne, je fais de mon mieux pour bien faire malgré ce qu'on t'arbourg. Des remords, des emmerdes à chaque jour suffisent à peine, sois-en sûr. Les conseils des anciens à l'époque, je m'en battais les couilles. La mort dans la peau comme Jason Bourne, je fais de mon mieux pour bien faire malgré ce qu'on t'arbourg. Des remords, des emmerdes à chaque jour suffisent à peine, sois-en sûr. Aujourd'hui je fais ce qu'il faut pour rester sur la bonne route. La mort dans la peau comme Jason Bourne, je fais de mon mieux pour bien faire malgré ce qu'on t'arbourg. Des remords, des emmerdes à chaque jour suffisent à peine, sois-en sûr. Les conseils des anciens à l'époque, je m'en battais les couilles. La mort dans la peau comme Jason Bourne, je fais de mon mieux pour bien faire malgré ce qu'on t'arbourg. Des remords, des emmerdes à chaque jour suffisent à peine, sois-en sûr. Aujourd'hui je fais ce qu'il faut pour rester sur la bonne route.